L'actualité à Nancy et ailleurs. Le samedi 16 septembre, la salle des fêtes de Vendeuvre, les Nancy vivra au rythme des danses du monde. Apolline Marie-Huin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de danse et vous portez ce projet donc depuis 5 ans. Ce rendez-vous donc autour de la danse, un spectacle avant tout caritatif au profit de l'ORCEP. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'ORCEP ? Alors l'ORCEP, c'est un réseau d'information et une association qui aide les personnes atteintes de sclérose en plaques et leur entourage. Donc c'est aussi bien un réseau d'information sur la maladie, bien sûr, sur les traitements, mais c'est aussi des services comme par exemple une infirmière à domicile à des heures qui ne sont pas forcément celles des infirmières standards, on va dire, gratuitement pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, des services de renseignement aussi pour l'entourage qui quelquefois est assez démuni par rapport à la maladie. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez complet et qui est vraiment au service des personnes malades. Très complet, très concret aussi pour le quotidien de ces personnes. Oh oui, tout à fait, parce que le quotidien est très difficile à cause de la douleur, de la fatigue et de l'épuisement, à cause des handicaps divers et variés, que ce soit aveuglement, incapacité à marcher par exemple, plus ou moins prononcée. Et c'est vrai que le fait d'avoir par exemple des services à domicile sans avoir à se déplacer, donc à accumuler de la fatigue supplémentaire, c'est vraiment quelque chose de fabuleux et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. D'accord. Alors, ce spectacle autour des mille et une danses va permettre d'aborder le sujet, mais de se divertir, surtout avec un magnifique spectacle que vous allez proposer, donc celle des fêtes de Vendeuvre le 16 septembre. Pourquoi la danse ? Alors, pourquoi la danse ? Parce que je suis danseuse, parce que quand on m'a annoncé ma maladie, puisque j'ai une sclérose en plaques moi-même, on m'a dit que je ne pourrais plus danser. Et ça a été pour moi une victoire qui m'impressionne quelquefois encore aujourd'hui, de pouvoir faire de la danse l'un de mes métiers et de pouvoir continuer à danser. Donc, ce que je veux montrer dans ce spectacle avec ces danses du monde, donc il y aura mes élèves, il y aura ma compagnie, mon travail soliste et des artistes invités, c'est montrer que même avec une maladie comme ça et même avec un pronostic dur et qui paraît sans appel, on peut quand même réaliser des choses. Notre corps n'a pas forcément les limites qu'on lui impose, en fait. Voilà, on peut les dépasser, on peut faire de belles choses. Et c'est ça que je veux montrer par la danse. C'est vraiment ça que je veux montrer, prouver. Et ça me fait du bien à moi. Et a priori, oui, ça fait du bien aux autres aussi. Voilà. Exactement. Et vous êtes professeur de danse aujourd'hui, hein. Vous avez une compagnie. Oui, oui. Oui, oui. Alors, je suis professeure de danse orientale, tsigane et tribal fusion. J'ai une compagnie de danse de tribal fusion. J'ai le projet d'en monter une deuxième, parce que je suis pas assez fatiguée et j'ai pas assez de choses à faire. Et donc, je donne des cours régulièrement et je fais des performances aussi sur la fatigue, sur l'épuisement, dans des galeries d'art ou ce genre de choses. Alors, vous avez cité quelques styles de danse, tribal fusion, tsigane. Bien sûr, on va les retrouver le 16 septembre sur la scène de la salle des fêtes. Tout à fait. Il va y avoir également de la danse buto, c'est une danse contemporaine japonaise, et de la danse contemporaine par mon invitée Laetitia Di Labio de la compagnie Tofu. Et cette petite chose nouvelle cette année, il va y avoir des contes, puisque mon deuxième invité est un conteur et c'est également lui qui va présenter chacun des tableaux. Donc moi, j'ai écrit des petits contes pour présenter chacun des tableaux de danse. Lui, il va les présenter comme ça et lui-même va avoir deux passages de contes, trois passages d'ailleurs de contes, où il va pouvoir mettre à profit tout son savoir-faire et émerveiller les oreilles du public. Voilà, donc petits et grands seront les bienvenus en tout cas. Oui. Bon, surtout plutôt grands parce que le spectacle est quand même dure assez longtemps quand même. Ouais. Donc pour les petits, c'est vrai qu'il faut avoir cette notion de temps. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça va être, je pense, assez éblouissant. En plus, cette année, comme c'est la 5e édition, on essaye de faire encore plus beau et plus grand. Bien sûr. Et avec mon équipe de bénévoles, on a essayé de mettre en place une scénographie complètement différente et qui va, je pense, être vraiment très, très, très belle. C'est un peu la surprise de cette année. Alors, jusque combien de danseuses participeront ce soir-là? Alors, à peu près une trentaine de danseuses. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais ça fait quand même à peu près une trentaine de danseuses. D'accord. C'est déjà pas mal. Alors, je vous laisse redonner toutes les infos pratiques. Où est-ce que ça se passe? Donc, salle des fêtes de Vendeuvre-les-Nancy, c'est sûr. Alors, c'est donc à 20h30. L'ouverture du public se fera à partir de 19h45. Le prix d'entrée est de 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. On peut acheter des tickets d'entrée en pré-vente au Délices du Palais, le restaurant qui se situe au 69 Grand Rue à Nancy, ou au Bouclard, la petite galerie d'art qui fait aussi café au 19 Rue Henri Bazin à Nancy toujours. Et en pré-vente, il y a un ticket de tombola offert par la même occasion, puisqu'on a aussi une tombola. C'est donc au profit de l'association L'Orcep. Et ben, tout le monde est bienvenu et je pense que, enfin, en tout cas, j'espère qu'on va présenter quelque chose de très beau. Voilà. Voilà pour cette 5e édition. Danser contre la CEP le 16 septembre. Apolline Marie-Huin, merci. Merci beaucoup à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.